On va parler avec un monsieur Ligue nord-américaine, Gilles Péloquin. J'ai appris des affaires ce matin. Gilles collabore à la radio de Radio-Canada Toronto et c'est pas mal le fun. Salut Gilles! Hey, bon matin, oui, bonne journée aussi. Ouais, parce que je suis avec eux depuis 2 ans. Ben oui. Toronto, Timmins et Hearst, les radios francophones en Ontario. Plaisir de commenter l'actualité nationale, ce que j'ai pas la chance de faire au Québec parce que je suis un petit peu marqué avec Ligue nord-américaine. Mais je reviens à mes anciennes amours, puis c'est le fun, puis c'est plaisant parce que bon, les lundis, mercredis et vendredis, on fait ça tout le matin. Et il y a aussi la radio de Sorel, il y a toi, il y a Michel également. Du côté de Jonquière, avec qui on va parler dans les prochaines heures, parce qu'il y a un beau lancement de livre, là, le 18 avril, sur notre belle amie Chantal Maccabée. Donc, t'es impliqué, non? Oui, je suis impliqué beaucoup même dans ce livre, parce qu'il y a un chapitre dont j'ai, pour Guillaume Lefrançois, du quotidien La Presse, fait la préface, comme je vais vous apprendre en primeur, qu'il y a, mesdames, messieurs, une autre préface de ces deux très, très beaux garçons, à Mme Maccabée et une autre belle préface de Maman Huguette, la maman de Chantal, qui va faire tout ça. Oui, parce que j'ai eu le plaisir, l'honneur, appelons ça comme vous voulez, le 8 mars 1984, il y a 34 ans maintenant, de lancer la carrière de cette belle jeune femme de 19 ans. Et c'est comme ça. Elle a passé en onde à ma place. Je lui ai tendu les feuilles à 6h15 au lieu d'aller faire le bulletin de sport télé à Radio-Canada Sherbrooke à 18h30. Puis le lendemain, Radio-Canada Québec l'appelait. Puis on connaît la petite histoire maintenant. Ben, elle est depuis 30 ans avec RDS. C'est elle et Danielle Rainville. Faut pas oublier Danielle Rainville aussi, malheureusement, qui est comme disparue parce qu'elle a fait un choix de vie. Elle a fait un choix d'élever sa famille. Mais Danielle Rainville. J'ai souvent rappelé également que Danielle a été beaucoup plus marquante au départ à la radio. C'est elle qui a un peu éduqué les coachs, Michel Bergeron, Pat Burns, Pierre Bouchard, qui ont été ses adjoints, si on peut dire, de pupitre à la radio de CKC à Montréal à l'époque. Mmh. Danielle a fait par la suite une apparition télé à Québec, mais Chantal, elle, a jamais dérogé de la télé sur 34 ans, mais il n'y a plus arrière que ça, et dans le livre, on va en parler, parce que, oui, tout le monde parle de Danielle Rainville, tout le monde va parler également de Chantal, mais moi, je vais aller plus loin, que je le dis dans le livre, j'espère que Guillaume Lefrançois en parle, c'est qu'en 1974, moi, étant CJMS à l'époque, avec Jacques Moreau et Raymond Rocky Brisebois, il y avait de l'autre côté une radio qui s'appelait CKLM sur la rue Sainte-Catherine et une première jeune femme est apparue et est rentrée dans un vestiaire pour la toute première fois au Forum de Montréal et c'était Marcel Saint-Cyr. Marcel Saint-Cyr est vraiment la pionnière, mais tout le monde l'oublie parce que il y a peu de gars comme moi qui ont 50 ans de métier qui peuvent en rappeler vois-tu. Mais Marcel Saint-Cyr est la première, puis il y en a une deuxième dans le ballon rond. Madame Claudine Rainville, faut pas l'oublier, non? Claudine Rainville. Toujours à la télé. Ouais, qui a commencé à TVEC à l'époque avec Claude Mayotte. Par la suite, c'est devenu RDS. Et elle est toujours là aussi dans son sport. Donc, Marcel Saint-Cyr et Claudine Rainville ont été les vraies premières, plus de 40 ans. S'ajoute par la suite en télé notre amie Chantal Maccabée qui a beaucoup plus d'exposure, c'est évident. Puis comme tu le dis, ben elle a eu un choix de carrière, un choix d'enfant également. Ouais. Parce qu'à moins de me tromper, Danielle Rainville en a 4. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler peu longtemps, mais beaucoup de plaisir à travailler avec dans les années 90 à CKC parce que c'était une femme de tête, une femme de caractère et une belle diction et elle connaissait son sport. Ben oui, elle connaissait son sport. Puis moi, à l'époque, j'appelais des lignes ouvertes puis je m'étais fait envirer par elle et que j'étais insulté. C'était une femme de caractère aussi. Là. Oui, elle avait bien parti ça à Québec avec Michel Villeneuve. Et Max Simoneau. Max Simoneau, oh mon Dieu, chum de regretter mémoire. Ouais. On a eu des moi, dans les années 90, j'ai eu à diriger la station CJP contre Simoneau et Arthur et avoir à diriger pour les shows de 4 à 6 et également de 10h à minuit, Jean Perron, Jacques Demers, Joe Hardy. Joe Hardy, ça va être mon coach en passant. Puis il y avait Alain Crête également, qui était mon anchorman, et il y avait Claude Bédard du Journal de Québec. J'avais ces cinq-là dans une salle de presse. Gilles, après ça, faut parler des séries, mais Mario Hudon, je sais pas si tu as vu le post cette semaine de Mario Hudon qui a dit que pourquoi que les radios à Québec sont devenues montréalisées. Tu sais, quand tu regardes tout ça, là, écoute, à l'époque, tu étais patron de sport, Gilles, Qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoute, les Suds des Nordiques, le départ des Nordiques. En province aussi, à Sherbrooke, qui a plus de sports locaux des deux télévisions, de Radio-Canada ou de TVA, depuis le milieu des années 90, c'est maintenant le national. Les radios, les fins de semaine, sont nationales avec les grandes chaînes, que ce soit Rouge FM, Énergie ou même Rythme FM ou même Radio-Canada. C'est une montréalisation. Je trouve ça malheureux parce que chaque région devrait... Regarde, la Ligue nord-américaine, Trois-Rivières, n'a même pas de radio pour l'aider dans la saison et dans les séries. Ouais. On voit le peu de monde dans les gradins. Ça va aussi comme ça. Et tu vois, par exemple, qu'il y a certains marchés, entre autres, celui de Shawinigan, junior majeur, une radio locale, mais ne dessert pas son équipe. C'est plutôt une radio de Trois-Rivières qui présente les matchs des Cataractes et en doublé les matchs du Canadien de la Ligue nationale, parce que c'est bon réalisation. Mais où sont les gens de Trois-Rivières, universitaires, les Patriotes, ou Média 3, les Estacades, ou la Ligue nord-américaine des Draveurs? À nulle part dans le champ, il n'y en a pas de radio. Et c'est ça que je trouve malheureux. Puis Mario Hudon, son commentaire est très bon, parce qu'à une certaine époque, je peux te dire qu'en 10 et minuit, moi, quand j'avais à mettre Perron en onde du Colisée, parce que CJRP 1060 était la radio des Nordiques, puis que de l'autre côté, hey, on avait un 1000 watts. À l'époque, les gens qui connaissent ça, là, l'antenne n'est pas loin, là. Tu vas pas très, très loin hors Québec, alors que l'antenne, le soir, était de 10 000 watts pour CHRC avec... Écoute, il rentre au lac Saint-Jean. Il rentre au lac Saint-Jean, CHRC. C'est ça. Et le jour, ben, CJRP avait 10 000 watts, mais CHRC en avait 50 000. Ouais. Donc, tu allais à la prison d'Orsainville, puis tu te mettre des oreilles de lapin, parce que tu peux même pas entendre ta radio de CJRP le soir pour faire des émissions avec Perron. Mais tout ça pour te dire que c'était des bonnes années. Et Hudon arrivait à l'époque avec cette radio-là. Mais c'est malheureux aujourd'hui. Il y en a plus. Il y en a plus de radio sportive à Québec. Et à Montréal, il y en a deux. Puis en province, très peu. N'eût été d'avoir cette ligne ouverte avec Michel à Jonquière et également Dominique, ou une demi-heure avec Veilleux en Beauce, ou une demi-heure également le jeudi à Sorel. Puis il y a notre ami Beaulé qui en fait une demi-heure également à Rivière-du-Loup. Il n'y en a pas beaucoup. Non. C'est malheureux, ça. Parce que le sport, moi, je dis, a encore sa place. Et moi, je dis que le 4 à 6 devrait être dans les stations régionales, puis à Québec, il devrait y en avoir une, qui pourrait permettre, justement, de parler de sport, de tout ce qui se fait, parce qu'il y a du très beau sport, que ce soit dans la région de Québec universitaire. Les capitales de Québec. Les capitales de Québec, tu sais. Les Aigles vont à Trois-Rivières dans une radio universitaire pour diffuser leurs matchs. À Québec, cherche une radio également, c'est la même chose. Tu as besoin d'une radio de deuxième ordre, si on peut dire, qui a moins de visibilité, qui a moins d'antennes, malheureusement, mais moi, je pense que on devrait avoir encore une radio dans chacune des villes cibles du Québec qui nous permette de présenter nos équipes sportives et, mon Dieu, qu'il y en a du sport puis qu'on en a regarde, tous les jours. Je suis juste à Dolbeau-Missassigny, Gilles, puis c'est sûr que j'en ratisse large parce que je touche à tout, là, je touche au sport professionnel, puis tout. Mais c'est incroyable. Hey Gilles, on pourra pas se parler de toutes les séries. Je veux pas faire 20 minutes pour les chroniques. Jonquière, parce que c'est de la série, parce que tu parles au Saint-Jean. Jonquière contre la Côte. Ben, je pense que ça se termine vendredi. Ouais. Faut être honnête, là. C'est à Saint-Georges. Je pense que le gros match a été joué en fin de semaine. Moi, je pense que la victoire éclatante de 5 à 1 vient de dire on est capable enfin de battre Adam Rousseau. Rousseau, comme l'an passé avec Laval, les Prédateurs en a gagné 2. Jonquière avait éliminé en 6 la formation de Laval. Rousseau a encore fait le même travail, vient d'en gagner 2 grosses contre Jonquière. Mais moi, je pense que les joueurs vont se lever, Desjardins aussi. Puis je pense que ça va se terminer vendredi dans le cas du match entre Jonquière et Saint-Georges. Et Saint-Georges, logiquement, devrait passer le week-end de Pâques dans ce que l'on appelle le fameux 2-2-3 suicide pour revenir, qui sait, par la suite, peut-être prendre Sorel, ici Sorel. Et moi, je le pense, on va pas de Trois-Rivières en 6, et ça va se terminer vendredi, du côté du Colisée de Trois-Rivières. Dans l'autre série, avant de me tromper, Thetford va également l'emporter et terminer en 6 face à la formation de Rivière-du-Loup, parce que Thetford, offensivement et au niveau gardien de but, a peut-être en ce moment, même si c'est 2-2, une petite coche avec Girard, parce que dans 3 des 4 matchs, on a mis des selles, alors que plusieurs s'attendaient à ce que ce soit Lacasse tous les matchs. Lacasse en a gardé un, il l'a perdu. Dessel en a 2 victoires contre 1 défaite. Moi, je pense que l'offensive des joueurs de la Centuria est plus échelonnée sur 7-8 joueurs qui peuvent marquer des buts, alors qu'en ce moment, les 3L, avec tout le respect, ben, c'est un trio. C'est D'Amour, c'est également Veilleux, c'est également Tourigny, puis les autres. Donc, si on stoppe le premier trio, on arrête tout. Et moi, je pense que Thetford l'a prouvé dans son dernier match, même si ça a été une victoire quand même à l'arraché de 7-4, mais auparavant, avec une victoire de Rivière-du-Loup 4-3. Et un petit peu plus tôt, on avait eu une victoire de 5-2. Donc, je pense que Thetford peut autant gagner, comme il a fait chez lui 5-2, que sur la route 7-4. On va surveiller ça, mais moi, je pense que ça va se terminer vendredi soir. Je m'attends pas à des matchs à OK, OK, OK. Donc, Gilles, on s'en reparle mercredi prochain pour un compte-rendu de ce qui se passe dans la Ligue nord-américaine. Et savoir qui va être du week-end de Pâques, les deux équipes qui vont aller au suicide, et savoir qui va être le quatrième. Yes, effectivement. Gilles Péloquin, notre spécialiste de la Ligue nord-américaine de la